Bien-aimés, nous retrouvons Jésus, cette fois-ci à Capharnaüm, quelques jours après avoir guéri ce fameux lépreux. Vous vous souvenez, il venait de voir ce lépreux qui s'approche de lui, et il l'avait touché avec sa main, alors qu'on n'a pas le droit de toucher un lépreux. Enfin, c'est totalement interdit, ça rend impur. Le lépreux est impur, il rend impur. Celui qui a touché le lépreux est impur, il ne peut plus prier, il n'a plus accès à Dieu. Et Jésus, lui, au nom de Dieu, touche ce lépreux. Mais quel scandale, quel scandale. Et Jésus va de scandale en scandale. Là, il arrive à Capharnaüm, et bien sûr, toute la foule se rassemble. Il faut imaginer la situation. Il est dans la maison de Pierre, sa maison finalement, ça devient un peu sa maison. Il est dans la maison de Pierre et tout le monde a entendu parler que Jésus était là. On amène tout le monde, tous les malades, comme on avait vu déjà faire une fois, au sortir de la synagogue. Il avait, le soir, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, guéri tous les malades. Alors vous imaginez, quand on apprend ça, on amène tout le reste, tous ceux qui n'ont pas encore vu Jésus. Mais il y a non seulement les malades, il y a aussi tous ceux qui veulent simplement le voir et l'entendre. Et parmi eux, il y a ceux qui déjà l'aiment profondément, qui lui font confiance. Et puis bien sûr, il y a ces fameux scribes, et probablement aussi des pharisiens qui sont parmi eux. Et donc Jésus est devant le pas de la porte et il voit, il y a tellement de monde, la ruelle est complètement remplie, on monte sur les maisons, on passe sur les fenêtres, on essaie de l'écouter et Jésus parle. Et comme dans une parole toute simple, Saint Marc raconte qu'il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole et il sémait dans les cœurs la vérité qui vient de Dieu. Et tout le monde est suspendu à ses lèvres, et tout le monde est touché profondément par cette parole. Et on apporte bien sûr parmi les malades ce fameux paralysé. Alors j'imagine ce paralysé qui entend que Jésus est passé par là, passe par là, qui entend qu'on sait où est Jésus, plutôt on ne sait pas d'où vient ce paralysé, et qui bien sûr n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le voir, pour pouvoir être lui aussi guéri. Et il va demander à ses amis, à tous ceux qui sont autour de lui, ses frères et sœurs, de l'emmener voir Jésus. Je veux voir Jésus, je veux le voir, je veux le voir. Je suis sûr que Jésus va pouvoir me guérir. Et ses frères et sœurs, ses amis qui sont autour de lui sont touchés de compassion devant cette demande. Et ils l'emmènent, ils prennent le brancard, ils se disent eux aussi, eh bien, probablement que Jésus pourra le guérir, très certainement. Et donc c'est tout un élan de foi, vous voyez, qui va soulever ce malade. Ils sont pris par la foi, ce malade est plein de foi, et il communique sa foi à tout son entourage, et ce malade s'approche avec ses porteurs de la maison. Et bien sûr, dès qu'ils arrivent près de la maison, ils voient bien qu'ils ne pourront pas traverser la foule, ils ne pourront pas se présenter devant le Seigneur. Et donc ils font le tour par derrière, ils trouvent un petit escalier, ils montent sur le toit, et là, ils découvrent le toit, comme le toit a été fait, certainement de paille, hein, et donc de paillage, ils découvrent le toit, ils écartent, ils font un trou, et avec deux, trois cordes, ils essayent tant bien que mal de descendre le malade dans la maison de Jésus. Jésus est dans l'encablure de la porte, il entend du bruit derrière lui, on lui dit « Regarde, regarde, il y a quelqu'un qui descend par le toit ». Jésus se retourne, il voit ce malade qui est descendu, et à ce moment-là, il comprend tout, il comprend toute la foi de cet homme, qui a réussi à mobiliser tout autour de lui toute une petite équipe pour l'emmener auprès de Jésus. Et donc, voyant la foi de cet homme, Jésus va donner cette parole extraordinaire qui vient du très fond de son cœur. Vous voyez, il connaît cet homme, il sait que cet homme est un pécheur comme tous les hommes. Et au lieu de lui dire immédiatement qu'il allait le guérir de sa paralysie, eh bien, vous voyez, ça sort très fond de son cœur. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Comme si Jésus enjambait tout ce qu'il devait faire pour emmener directement au cœur de la foi. Ta foi t'a permis de recevoir le pardon de tes péchés. Ce qui est infiniment plus grand que d'être guéri, vous êtes d'accord avec moi. La guérison du corps, ben c'est pour quelques années encore. Et puis à un moment donné, le corps va s'arrêter de fonctionner pour toujours, en tout cas jusqu'à la résurrection. Mais la guérison de l'âme par le pardon des péchés, ça c'est une chose immense. Et c'est ce que Jésus veut faire quand il vient sur la terre. Il vient pas seulement pour guérir les corps, il vient pour guérir les âmes en pardonnant les péchés. Alors en entendant cela, bien sûr, puisque les scribes qui étaient par là ont entendu ce que Jésus vient de dire, eh bien ils se raisonnent dans leur tête et ils se disent « Non mais c'est pas possible, il se prend pour qui cet homme ?» Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, puisque les péchés sont toujours des offenses faites à Dieu. On peut faire des péchés pour offenser les autres, mais in fine, c'est toujours Dieu qui est offensé. Donc on ne peut pas pardonner les péchés au nom de Dieu, enfin. Il se prend pour Dieu. Et Jésus, voyant les raisonnements qui sont faits dans leur cœur, eh bien, il leur dit, voyez, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas se prendre pour Dieu, mais on peut quand même pardonner au nom de Dieu, on peut demander à Dieu de pardonner les âmes. Et donc il leur dit, et qu'est-ce qui est plus facile de faire ? De dire tes péchés sont pardonnés, ça c'est facile, ça se passe dans le cœur. Personne ne le voit ce qui se passe. Il n'y a que celui qui l'a entendu qui sait. Est-ce que c'est plus facile de dire ça ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et bien sûr, tout le monde se dit « Bah oui, c'est plus facile de dire « Je te pardonne tes péchés » que de demander à la personne de se lever alors que manifestement, elle ne peut pas. Et s'il ne se lève pas, on aura l'air ridicule et toute notre parole sera décrédibilisée. Alors Jésus dit « Bien pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, regardez. » Lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. À ce moment-là, le paralysé se lève, prend son brancard et rentre chez lui. Tout simplement, sans faire de grandes incantations magiques, simplement, lève-toi, prends ton brancard pour que vous voyez à quel point je suis puissant. Je n'ai même pas besoin de dire de grandes paroles, simplement un ordre. Un ordre pour que la maladie, la paralysie te quitte. Alors, voyez, Jésus est en train encore de démontrer sa toute-puissance et sa divinité. Cette divinité qui n'est pas juste venue pour guérir les malades, mais pour répandre la miséricorde. Alors la guérison des malades, frères et sœurs, il faut bien que nous comprenions, c'est pas parce que Jésus veut faire le magicien, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde, un cœur qui veut relever les âmes, qui veut sauver, qui vient au secours de nos faiblesses et de nos misères. Ça, c'est Dieu. Et ça n'est pas autre chose. Et ça n'est pas une espèce de censeur qui décide celui qui va aller en enfer, celui qui va aller au paradis, comme le pensent les scribes, et comme souvent nous le pensons nous aussi. Dieu est un Dieu de miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.